phase m'a plongé dans ce milieu de tares et de nazes. Les fous se retrouvent et leur manque des cases dans ces camps. Ce bruit de flingue qu'on entend exploser les tempes et les trempes qu'on nous flanque dans leur putain de plan. Tu es un prisonnier de guerre, faut que je m'échappe, moi je vais retrouver mes terres. Ma vie d'avant, je vais prendre une douche, récupérer mes affaires. Moi j'ai la dalle, ça fait des semaines qu'on est à la. Ma blessure fait mal et je suis vraiment malade de cette terre qu'on avale. Je veux me faire la malle avec ma patte, voler cette pauvre de canne. J'ai plus de force, y'a plus d'espoir, alors j'attends qu'on me canne. J'entends les hélicos bombarder, les autres guillés s'abardent. Et les gardes qui se barrent, ici vraiment c'est hard. Dans cette guerre, j'ai perdu le contrôle de ma vie. Dans la peur, dans les cris, j'ai mené ma vie. Toute cette pression m'a joué des tours, ma troupe envahie. Juste ancien soldat qui paie aujourd'hui le prix de son ennemi. Dans cette guerre, j'ai perdu le contrôle de ma vie. Dans la peur, dans les cris, j'ai mené ma vie. Toute cette pression m'a joué des tours, ma troupe envahie. Juste ancien soldat qui paie aujourd'hui le prix de son ennemi. On s'en est sorti car c'était les nôtres qui venaient nous chercher. Certains sont morts, d'autres sont blessés. Vite, il faut me détacher. Moi, je veux m'arracher. J'ai fini de voir tous ces soldats lynchés. Cette vie m'a marqué, m'a changé, m'a bloqué, puis m'a choqué. Cette putain de guerre, ça fout un homme en l'air. Plonge pas dans mon enfer. On y perd ses repères et s'enterre dans ce glauque univers. Maintenant, quand je marche dans la rue, j'ai l'impression de les voir tous armés. Quand je marche dans la rue, les gens me regardent comme un attardé. Je suis cette vieille peau qu'on a détruite en servant son pays. Aujourd'hui qu'on oublie, mais j'ai toujours ces taches sur mon trait. Je grappille ma graille et nettoie mes médailles. Trop de sang sur ma maille, je t'épargne des détails. Mais tous les jours, moi, je me vois taille. Dans cette guerre, j'ai perdu le contrôle de ma vie. Dans la peur, dans les cris, j'ai mené ma vie. Toute cette pression m'a joué des tours, ma troupe envahie. Juste ancien soldat qui paie aujourd'hui le prix de son ennemi. Dans cette guerre, j'ai perdu le contrôle de ma vie. Dans la peur, dans les cris, j'ai mené ma vie. Toute cette pression m'a joué des tours, ma troupe envahie. Juste ancien soldat qui paie aujourd'hui le prix de son ennemi. L'ancien soldat qui était ma bouffe et la vie, puis trafique et mes rêves et fait monter ma peur, mon moteur et booste ma sève. Et j'en crève, ça me pèse, j'en suis sous mes docks. Je suis resté sous le choc, ça m'a foqué. J'ai explosé mon stock de ce traitement de choc et j'ai bouclé ma porte. Des verrous partout, plus question que je sorte. Mon corps tremble, mon avenir flambe et j'ai trempé mon short. La sueur ne cesse de tâcher mon sol. Je m'affole des gouttes qui coulent, tombent, forment une auréole. J'ai mal dans ma peau, mal dans ma peau, mal dans ma peau. Ma paranoïa, mes poules à ma tôle, j'ai mal dans ma peau. Quand j'ai pas vu arriver mon stress, qui est maintenant un danger, mon test. C'est pas que j'encaisse, ce danger m'empêche. Dans cette guerre, j'ai perdu le contrôle de ma vie. Dans la peur, dans les cris, j'ai mené ma vie. Toute cette pression m'a joué des tours, ma troupe envahie. Juste ancien soldat qui paie aujourd'hui le prix de son ennemi. Dans cette guerre, j'ai perdu le contrôle de ma vie. Dans la peur, dans les cris, j'ai mené ma vie. Toute cette pression m'a joué des tours, ma troupe envahie. Juste ancien soldat qui paie aujourd'hui le prix de son ennemi. Dans cette guerre, j'ai perdu le contrôle de ma vie. Dans les cris, j'ai mené ma vie. Toute cette pression m'a joué des tours, ma troupe envahie. Juste ancien soldat qui paie aujourd'hui le prix de son ennemi. Dans cette guerre, j'ai perdu le contrôle de ma vie. Dans la peur, dans les cris, j'ai mené ma vie. Toute cette pression m'a joué des tours, ma troupe envahie.